De retour à Futur Simple, toujours sur les ondes de 89.1, et on va maintenant sortir de ces trous qui se forment brusquement dans le sol pour entrer dans le domaine de la santé. Mais on va y entrer par une porte inusitée, celle de la question de la légalisation de la marijuana. Et c'est Philippe Rioux qui va nous éclairer sur les dangers relatifs de cette drogue, toute relative par rapport à d'autres drogues. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour. Je pense qu'on va parler de trous législatifs maintenant. Bon enchaînement. Oui. En novembre dernier, le président Obama a été réélu, mais durant la même soirée électorale aux États-Unis, il faut comprendre qu'il y a énormément de référendums qui sont également votés. Ce soir-là, il y a deux États américains qui ont franchi vraiment une étape importante et symbolique. Ils ont légalisé au niveau de l'État la marijuana. Donc, aux États-Unis puis au Canada, on parle de la « war on drugs », qui est la guerre contre la drogue, qui est vraiment quelque chose qui régit le fonctionnement de nos législations par rapport aux drogues. Et comme j'avais dit, ils ont vraiment légalisé par référendum au niveau de l'État, mais ça reste illégal au niveau fédéral. Donc, à eux deux, ils ont vraiment commencé une bataille morale et juridique contre le contrôle exclusif du gouvernement fédéral sur la substance. Mais ils ont surtout engagé le pays en entier dans une réflexion plus profonde sur le bienfait de la « war on drugs ». Et ses objectifs, ses conséquences et son inefficacité. Mais quand même, en légalisant la marijuana, ces deux États, est-ce qu'ils ne vont pas à l'encontre de la politique de la guerre contre les drogues? Et puis, c'est quoi finalement cette guerre contre les drogues ou la war on drugs? C'est une politique qui est rentrée... C'est une philosophie politique qui promouvoit la ligne dure contre toute activité qui implique la fabrication, le commerce, la consommation de drogue aussi. Et c'est une philosophie qui est née dans les années 70, qui a été mise en place au départ par Nixon, encore une fois Nixon. Et cette avenue n'a pas cessé d'être renforcée depuis. C'est toujours de plus en plus. Chaque politicien arrive dans l'environnement politique américain et dit « Moi, je suis contre les drogues, je suis dur contre les drogues, etc. » Donc, c'est une espèce de... ça va en augmentation, donc, cette attitude-là. Et le système est basé sur la différence entre les drogues légales et les drogues illégales. C'est vraiment la base du système. Dans les drogues légales, il y a évidemment le tabac, l'alcool, mais aussi les médicaments qui sont régis de manière un peu différente. Mais ainsi, la possession d'une quantité moindrement importante d'une drogue illégale est vraiment considérée comme un crime grave et avec des conséquences sévères. Et aussi, ça laisse une empreinte administrative sur le dossier des gens qui vous identifient comme un criminel pour essentiellement le reste de vos jours. Donc, c'est le genre de ligne dure qui est appliquée dans une moindre mesure également au Canada, j'imagine. Oui, et j'imagine que ces politiques avaient quand même des objectifs louables à la base. Oui, oui, tout à fait. Comme on dit, l'enfant est rempli de gens avec de bonnes intentions. Et c'est le même cas ici. Donc, l'objectif, c'était de diminuer la consommation de drogue, d'enrayer les profits générés qui vont aux organisations criminelles. Mais lorsqu'on analyse en détail les résultats de cette politique-là, on est vraiment amené à un constat d'échec. La consommation de drogue augmente, l'accès à la drogue aux jeunes est plus grande que jamais. Puis le Colorado et l'État de Washington ont décidé de jeter vraiment deux énormes pavés dans la mort du gouvernement fédéral en disant c'est assez et d'ajuster leur politique au niveau de leur État, la politique qui concerne les drogues et en s'inspirant des faits scientifiques disponibles au sujet des drogues pour mieux ajuster leur politique. Alors ça, c'est intriguant. Donc lorsque tu parles d'alignement avec les données scientifiques sur les drogues, il s'agit de quoi? En fait, on parle surtout d'études scientifiques sur la toxicité à court terme, le risque de dépendance, la sévérité de la dépendance et les conséquences de la dépendance. Donc, c'est vraiment un mix de tout ça. Et ces choses-là vont influencer sur l'impact de la consommation d'une drogue sur la santé de la personne. Donc, lorsqu'on regarde les données disponibles, il est vraiment évident que la dangerosité des drogues varie énormément d'un produit à l'autre. C'est pas vraiment une surprise. Mais ce qui est vraiment dommage dans la politique américaine, c'est que c'est pas reflété au niveau administratif ou au niveau juridique, les grandes différences qui existent. Ici, on retrouve dans le Schedule 1, qui est la catégorie qui cible les drogues les plus dangereuses ou que le gouvernement américain considère les plus dangereuses. Il y a des drogues réellement dangereuses comme l'héroïne et il y a aussi la marijuana. Ah, donc on les met ensemble. Donc on ne les distingue pas sur le plan de la dangerosité. À la base, c'était fait pour ça, mais en fait, les autres définissent ça comme les drogues à de priorité numéro 1. Mais ils disaient que c'était au niveau de la dangerosité, mais en fait, c'est plutôt la priorité politique, qui est plus représenté au niveau de Schedule 1. Par exemple, la meth est dans une Schedule 2 ou 3, alors que c'est énormément plus dangereux. Donc, la marijuana étant vraiment très sécuritaire, elle est quand même dans la Schedule 1. Mais tu veux dire qu'est-ce que tu veux dire par extrêmement sécuritaire? Est-ce que c'est si sécuritaire que ça? En fait, lorsqu'on regarde les données empiriques, c'est difficile de faire un produit plus sécuritaire que la marijuana. Il y en a très peu, en fait. Le sel de table est plus toxique. Ce que je veux dire par là, c'est que la marijuana est vraiment sécuritaire sur plusieurs fronts. Lorsqu'on s'attaque au risque d'overdose, donc ce qu'on peut dire à un usage intensif, aigu, dans l'immédiat, lorsqu'on compare les risques d'overdose des drogues, on utilise le concept qu'on appelle le ratio thérapeutique. Ce que le ratio thérapeutique veut dire, c'est le rapport entre la dose nécessaire pour obtenir un effet recherché et la dose nécessaire pour causer la mort. Et c'est un concept qui est utilisé beaucoup dans les médicaments, entre autres. Donc, un médicament ou une drogue sécuritaire doit avoir un énorme écart entre la dose thérapeutique et la dose mortelle. Bon, par exemple, pour vous donner une échelle de grandeur, l'alcool a un ratio thérapeutique de 10. Ça veut dire que la dose létale d'alcool est d'environ 10 fois supérieure à la dose nécessaire pour ressentir un effet. La cocaïne a un ratio de 15 et la marijuana a un ratio thérapeutique de 1000. Donc, il est difficile, voire pratiquement impossible, de faire une overdose qui mettrait votre vie en danger en consommant de la marijuana. D'ailleurs, il n'y a aucun cas rapporté, jamais, de décès causé directement par la marijuana. Directement, oui. Mais la toxicité à court terme, c'est pas tout. Est-ce que qu'est-ce qu'on dit des effets à long terme? Et là, c'est là que ça devient vraiment intéressant, puis que ça met en contraste, en fait, nos politiques envers la réalité des choses. Là encore, la marijuana, là, elle se compare vraiment très favorablement aux drogues légales et aux autres drogues illégales. L'usage à long terme de l'alcool et du tabac cause vraiment des graves problèmes de santé qui sont vraiment très bien documentés. L'alcoolisme, on sait que ça fait des ravages immenses sur la santé de quelqu'un, et l'usage du tabac, ça cause une tonne de cancers, etc. Pas obligé de revenir là-dessus. Mais il faut dire que le danger de dépendance sévère à l'alcool et du tabac sont vraiment grands. Ce que je veux dire par là, c'est que quand quelqu'un commence à utiliser ces substances-là, il y a de fortes chances, surtout pour le tabac, qu'ils deviennent très dépendants à ça. Donc, ils n'arrêtent jamais d'en consommer. La marijuana gagne vraiment cette bataille-là sur trois fronts. Il est plus rare que quelqu'un devienne dépendant à la marijuana. Si la dépendance apparaît, elle est beaucoup plus facile à sevrer. Et s'il y a dépendance, elle a que très peu de conséquences sur la santé des individus, aucun genre du tabac et de l'alcool. Alors, revenons-en à la nouvelle législation là, qu'a adoptée le Colorado et l'État de Washington. Est-ce que les changements de loi se sont faits sur des bases de santé publique? Oui, ben, c'est essentiellement le changement qui s'est opéré dans le fond au Colorado. C'est les gens ont regardé un peu les données, se sont dit, il y a quelque chose qui cloche dans cette politique-là, quelque chose qui ne reflète pas la réalité. Donc, il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'arguments juridiques derrière tout ça, mais c'est pas tout. Donc, durant la campagne référendaire, on a vu des organisations qui militaient pour la légalisation de la marijuana et ils affichaient des pancartes assez chocs, qui affichaient des messages vraiment qui allaient s'adresser directement aux électeurs. Par exemple, vous alliez voir une pancarte avec une femme et c'est écrit en dessous « Je suis une femme de 35 ans et j'ai choisi de consommer de la marijuana plutôt que de l'alcool pour des raisons de santé. Présentement, je suis une criminelle. » Donc, ça mettait vraiment les gens face envers, dans le fond, pour dire « Moi, je ferai un choix pour ma santé, mais c'est quand même illégal. C'est quoi la logique derrière ça? » Donc, la marijuana, c'est la drogue illégale de loin la plus consommée aux États-Unis. C'est vraiment important comparé aux autres drogues, la cocaïne, l'héroïne. Et beaucoup de gens tout à fait normaux et fonctionnels en consomment. Puis l'éveil à cette réalité-là est vraiment une grosse partie de la stratégie politique du mouvement pour la légalisation. Donc, comme pour la prohibition de l'alcool dans les années 1920, la prohibition de la marijuana cause beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en règle pour de vrai, dans le fond. Cependant, on ne sait peut-être pas combien il y a de personnes qui consomment de la marijuana par rapport au nombre de personnes qui fument ou qui consomment de l'alcool, simplement. C'est des statistiques plus difficiles parce que les gens ont parfois... c'est combiné aussi parfois. Oui, et ils vont parfois faire du déni ou plutôt mentir pour ne pas avoir des conséquences, mais on sait que les données sont quand même... on parle de au moins 10% de la population, donc c'est quand même énorme. Et alors, donc, c'est quoi la suite dans le dossier? Là, c'est vraiment une guerre de mots, en fait, parce que la suite, ça va être difficile à voir, mais ça va vraiment changer le paysage parce qu'il faut savoir que les États vont vraiment vraiment contre le gouvernement fédéral avec ces lois-là. C'est comme un défi, dans le fond. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver au niveau de l'environnement de policiers qui va arriver là, le genre d'argent que les États pourraient récupérer avec la légalisation, parce qu'il y a des arguments pour ça, dans le sens de, au lieu de dépenser de l'argent pour aller contre, on devrait aller avec le commerce et récupérer des taxes. Mm-hmm. Donc, on économise au niveau de la bataille juridique et de la police, et on en gagne au niveau des taxes. Donc, il y a des gens qui disent que c'est win-win, c'est gagnant-gagnant comme situation. Mm-hmm. Et la réaction du gouvernement fédéral sera vraiment à surveiller. Théoriquement, la marijuana est toujours illégale au niveau fédéral, mais pour l'instant, les agents fédéraux se sont vraiment gardés loin du Colorado et de l'État de Washington. Donc, ensuite, je pense qu'il y a d'autres États qui vont suivre le pas, et j'ai hâte de voir s'il va y avoir une espèce de vague de légalisation, ou ce que pourrait faire le gouvernement fédéral, c'est de déléguer la responsabilité aux États, et ainsi les États vont réellement choisir un à un s'ils légalisent ou gardent dans le fond la marijuana illégale. J'ai hâte de voir la réaction aussi de la Colombie-Britannique qui est juste en face de l'État de Washington. Eh bien, on va suivre tout ça. En tout cas, c'est assez éclairant. Ça met les choses relatives. On s'aperçoit que finalement, il y a drogue et drogue. Il ne faut peut-être pas toutes les mettre dans le même panier. Exactement. C'est un gros mot. En termes d'effets sur la santé et en termes de légalisation. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Alors, on passe maintenant en pause publicité. Et au retour, on vous parle de dépression et d'électrochoc.